franceinter.fr. Radioscopie. François Truffaut. Jacques Chancel. François Truffaut, vous ne vous êtes pas endormi sur les lauriers de la nuit américaine, les lauriers hautement gagnés. Vous travaillez sur un film qui met en scène Adèle, la fille cadette de Victor Hugo. Il y a un livre qui paraît chez Flammarion, les films de ma vie, et vous connaissez bien le cinéma. Ce sont des textes sur une quarantaine de cinéastes de premier plan et de notre temps. Toute votre vie, on le sait, est consacrée au cinéma. C'est ce qui vous tient le plus à cœur, le cinéma, et on sait bien que vous n'êtes jamais meilleur que lorsque vous parlez de vous-même, du moins de ce que vaut votre vie. Est-ce cela ? Je ne sais pas, je crois que je ne pourrais pas parler d'autre chose, évidemment. On ne peut parler que des choses auxquelles on pense constamment. Mais on peut renouveler son inspiration au cinéma ? Je crois, oui, parce qu'un film représente et fait de tellement d'éléments qu'on n'est jamais tout à fait content, c'est-à-dire que la part expérimentale est peut-être plus grande dans un film que dans un livre, si bien qu'un film se décale, si vous voulez, l'arrivée des acteurs fait bouger le scénario, les circonstances du tournage, si bien que l'on a toujours envie de recommencer des espèces de remakes déguisés, de faire le même film, mais on est seul à savoir que c'est le même film, mais cette fois-ci on veut le réussir parce qu'on estime qu'il y avait quelque chose de raté dans l'autre. Donc on peut ou bien ouvrir l'éventail très grand et traiter toutes sortes de sujets, ou bien traiter toujours le même. Même si on traite toujours le même, les gens ne s'en apercevront pas parce que ça change tout, simplement de changer d'acteur, de changer l'âge des personnages, de changer l'endroit de tournage, etc. Mais François Truffaut, lorsqu'on est dans le plein cœur du cinéma, on ne passe pas à côté de beaucoup d'autres choses. Oui et non, mais je crois que c'est vrai de tous les... Il est vrai que le cinéma, c'est la vie. C'est vrai de tous les spécialistes. Et d'autre part, faire un film, c'est quand même un acte social qui vous met en présence de toutes sortes de gens, vous voyez, de tout l'éventail social. Vous commencez par travailler en général avec des écrivains pour le scénario. Ensuite, vous avez affaire à des assistants avec qui vous préparez le repérage. Puis vous allez chez des gens pour leur demander si vous pouvez tourner chez eux. Ensuite, on embauche des ouvriers, des électriciens, des machinistes. Et puis, on a une script girl qui arrive. On a, après, des artistes, des comédiens. Quand le tournage est fini, on travaille avec un musicien, puis on va au laboratoire et on s'intéresse aux problèmes de photo, développement de la pellicule. Alors je crois qu'à l'arrivée, on a finalement été en contact avec des gens qui représentent à peu près toutes les classes de la société. Il y a combien de films maintenant à votre répertoire ? 14. Ça fait beaucoup ? Pas beaucoup, pas vous assez. Vous ne vous êtes pas tellement pressé, mais vous avez tout le temps travaillé. Oui, j'ai tout le temps travaillé, sauf une petite période de chômage avant de pouvoir faire Fahrenheit 451. On peut appeler cela chômage. C'était une sorte de chômage parce que je ne voulais pas faire autre chose. J'avais toujours l'espoir de le commencer 3 mois après. Et il était impossible de trouver le financement en France. Finalement, le film a été fait en Angleterre grâce à des capitaux américains. Mais à part ça, j'ai travaillé sans arrêt. Mais il me semble pas assez parce que j'ai davantage d'idées que de temps pour les réaliser. François Truffaut, il vous arrive de vous interroger sur l'itinéraire de cette vie ? Pas vraiment. De temps en temps, quand je fais un texte comme celui qui ouvre le livre, qui est un texte de réflexion, oui, sur critique. À quoi rêvent les critiques ? Oui, à ce moment-là, évidemment, je m'interroge un petit peu. Mais sinon, je suis trop dans l'action quotidiennement pour regarder beaucoup en arrière. Oui, mais justement, pourquoi avoir voulu faire ce texte, À quoi rêvent les critiques, et l'avoir mis en tête de votre livre ? Parce que j'avais l'impression qu'ayant été des deux côtés de la barricade, Vous avez un peu honte. Non, pas du tout, absolument pas. Alors, au contraire, je pensais pouvoir réconcilier les parties, si vous voulez. Parce que je vois souvent des amis cinéastes, par exemple mon ami Claude Berry, très en colère contre l'ensemble de la critique. Et puis je vois souvent des critiques ne pas absolument comprendre l'autre point de vue. Donc j'ai voulu leur dire, écoutez, moi je vous connais tous les deux, voilà comment je vois les choses. Mais quel est le fossé qui sépare les critiques des créateurs ? Il est immense, parce que c'est un espèce de jeu de chat et chien, vous voyez, critique voudrait faire du cinéma. Pas forcément, mais il ne perd pas de vue le fait qu'il ne crée pas. Et même quand il est très véhément et très négatif, je crois qu'au fond de lui-même, il a un espèce de respect, même pour la personne qu'il insulte, vous voyez. Ce respect, il ne le manifeste pas, mais je pense qu'il l'a, je sais qu'il l'a. En tout cas, je pouvais témoigner de ça puisque j'ai été critique et ayant été un critique très violent à l'égard de, je ne sais pas, plusieurs metteurs en scène français comme Delannoy, Autant Lara, Yves Allégret, je ne sais quoi, j'ai voulu dire dans ce texte, eh bien, même quand je vous insultais, au fond de moi-même, je sentais que j'étais, je crois, j'emploie cette image, j'étais comme un flic qui règle la circulation en place de l'Opéra pendant que les bombes tombent sur Verdun. Parce que on se donne autant de mal pour faire un mauvais film qu'un bon. Et c'est un peu, si vous voulez, dans cette optique, d'ailleurs j'ai tourné un film comme La Nuit Américaine, on m'a demandé pourquoi est-ce que dans La Nuit Américaine je montrais le tournage d'un film qui avait l'air d'être un mélodrame, même un mauvais film. Et mon idée c'était que je ne voulais pas montrer un génie au travail, ni je ne sais quoi, je voulais montrer simplement ce qui existe, la camaraderie et l'extraordinaire esprit, la mobilisation fantastique qui existe sur le tournage d'un film, même d'un mélodrame. Mais dès lors que vous aviez passé le cap de cette position de critique, vous aviez envie de revoir ceux que vous aviez égratignés, comme Delannoy, comme Autant Lara, comme d'autres? Oh, il m'est arrivé très souvent de les rencontrer. Ils pardonnaient, eux, facilement? Oui. Parce que vous savez, vous rappelez la fameuse petite phrase, il faudra lui casser la figure à ce petit salopard. Oui, ça dépend, vous savez, mais quelqu'un, par on exemple, comme vous, Jacques Becker, était un homme d'une classe extraordinaire, alors j'avais esquinté un de ses films qui est Arsène Lupin, je crois que le texte est d'ailleurs dans lui. Et après, c'était comme si de rien n'était, parce que c'était un homme qui avait vraiment beaucoup de classe. Et dans mes relations avec les critiques, je sais que j'essaie toujours, je repense toujours à Jacques Becker, parce que je me dis que c'était vraiment le gentleman. Vous ne regrettez pas d'avoir été ce que vous avez été, c'est-à-dire très très en colère, plus qu'en colère, très, très ah méchant. Non, parce que j'étais un militant. J'étais par amour, vous étiez méchant par amour. J'étais un militant du cinéma et quand même j'étais consciencieux, c'est-à-dire que quand un film me troublait, m'intéressait, je pouvais le voir trois fois entre le mercredi et le vendredi soir, c'est-à-dire avant de d'écrire dessus, comme pour le film Baby Doll, par exemple, ou d'autres films, vous voyez. Lorsque vous avez été à votre tour égratigné, avez-vous souffert plus que les autres parce que vous saviez d'où ça venait? Non, moins que les autres. Moins que les autres. Parce que vous y attendiez. Oui, aussi, c'est ça. Je peux deviner à certains moments, par exemple au moment où on fait le mixage du film. Vous voyez, quand on met les bandes, paroles, musique, et qu'on les assemble près de la pellicule. Je vais me faire avoir. Eh bien, à ce moment-là, si vous voulez, il m'arrive de voir le film comme les critiques le verront et de dire, bon, bah voilà, je sais que dans tel et tel journal, ça va être l'éreintement. Et je me trompe pas de beaucoup. Si vous étiez critique, François Truffaut, qu'est-ce que vous diriez en ce moment du film Peur sur la ville de Verneuil avec Valérie? Ah, bah d'abord, j'irai le voir, ce qui n'est pas le cas, je ne l'ai pas encore vu. Ah, oui. Mais je pense que je le jugerai à l'intérieur de ses limites, à l'intérieur de ce qu'il prétend être. Je dirais, voilà, ce film veut être ça, ça, ça, ça. Est-ce qu'il atteint son but? Est-ce qu'il ne l'atteint pas? Voilà, ce serait là-dessus. Vous pourriez reprendre la plume aujourd'hui? Ah non, réellement non. Non, je ne pourrais pas. Pourquoi? C'est une habitude qui se perd? On n'a plus la même volonté de dire les choses? Mais je ne sais pas. Est-ce que c'est à cause des sommes engagées? Je ne sais pas. On voit dans les journaux, on voit fréquemment la tribune des livres, la rubrique des livres tenue par des écrivains qui eux-mêmes publient des livres, n'est-ce pas? C'est pas du tout gênant. Pour le cinéma, c'est absolument impossible. Je ne sais pas pourquoi. Probablement à cause des capitaux engagés, parce que le spectacle est une chose trop fragile. Ça serait réellement insultant. Quelqu'un qui serait metteur en scène une partie de l'année et critique une autre partie de l'année, c'est pratiquement inenvisageable. Enfin, vous aimez le cinéma, et on le sait, François Truffaut, mais les autorités, le gouvernement aime le cinéma aussi? Non. Le gouvernement... C'est ainsi dans tous les pays? Oui. Ah, je ne sais pas. Le gouvernement aimait le cinéma autrefois parce qu'il y avait les actualités françaises et que chaque ministre espérait qu'on verrait sa bobine sur les actualités françaises. Mais depuis que les politiciens peuvent se faire voir à la télévision, ils ont le plus grand mépris pour le cinéma. Lorsqu'on regarde vos films, on s'aperçoit que vous êtes fasciné par les gens, fasciné par la condition humaine. Enfin, vous avez envie d'entrer dans une maison, de pousser la porte et d'y découvrir ce qu'il peut y avoir de mystère inattendu. Oui, je m'intéresse aux relations. Je m'intéresse aux relations entre les gens et aux sentiments, beaucoup plus qu'aux idées. Les idées, vous vous méfiez? Et je me méfie parce que je sais que je ne suis pas très intelligent. C'est-à-dire, on travaille avec ses limites. Alors, mon univers est celui de l'affectivité. C'est pas de la fausse modestie, là. C'est pas de la fausse modestie. Je connais très bien mes limites. Si j'étais très fort dans les idées, je ferais peut-être la philosophie. J'ai une admiration énorme pour les philosophes, mais je ne peux pas manier les idées générales. Donc, je m'intéresse aux idées particulières. Je m'intéresse aux relations parents-enfants, hommes-femmes. Et voilà, c'est le monde de l'affectivité, disons. Enfin, le cinéma vous permet de vous libérer, il fait chez vous office de psychanalyse. Oui, absolument, ça c'est vrai. C'est oui. Intériorisé. Oui, je le sens. La caméra, elle est surtout à l'intérieur de vous-même. Oui, parce que je filme souvent des choses sans savoir ce que ça veut dire, et après, un jour ou l'autre, des étudiants font une thèse, je suis amené à la lire, et je me dis, mais mon Dieu, c'est vrai, j'ai traité trois fois cette situation-là, deux fois celle-là, et je ne m'en étais pas rendu compte. J'arrête même, je ne lis pas ces choses-là deux fois, parce que j'ai peur que ça m'empêche d'avancer, de travailler. Mais enfin, c'est évident qu'on se sert des scénarios pour se libérer, oui. On écrit des livres sur vous, on fait des thèses sur vous, vous avez quel âge? 43 ans. Vous êtes étonné que l'on s'intéresse à ce point à votre personne et à votre œuvre? Non, parce que je me suis tellement intéressé aux films des autres que ça ne m'étonne pas qu'on s'intéresse aux miens. On vient le chercher chez vous. Et d'autre part, je crois que mes films, ils sont imparfaits pour moi, mais s'ils étaient faits par un autre, je les aimerais beaucoup. C'est-à-dire, ils sont pleins d'un matériel qui m'est très cher, évidemment. Donc, je vois, je peux comprendre que des gens, ils trouvent des choses, ils cherchent des choses et les trouvent et s'y intéressent. Pourquoi pas, c'est normal, ils ont été faits avec bonne foi. Mais dans le cœur d'un metteur en scène comme vous, il doit y avoir sans aucun doute un démon de l'identification. Vous devez vous prêter à vos personnages. Oui, je m'identifie, je crois que je m'identifie beaucoup, surtout, ça dépend des histoires, ça dépend des scénarios, mais il m'arrive d'avoir 4 ou 5 personnages dans un film, et en réalité de m'identifier à chacun d'eux, y compris au personnage féminin. Vous ressemblez à qui dans votre œuvre ? Je ne sais pas, évidemment, un peu dans le personnage d'Antoine Doinel qui a été interprété par Jean-Pierre Léaud, mais là, comme ces films se présentaient déjà comme autobiographiques, je me méfiais, je me cachais pas mal. Ce qui fait que je me suis montré quelquefois plus à nu dans des films adaptés de romans américains comme Tiré sur le pianiste ou La sirène du Mississippi ou La mariée était en noir. Alors là, j'étais peut-être derrière Michel Bouquet, derrière Charles Denner, derrière Aznavour. C'est-à-dire que je leur prêtais des pensées qui sont les miennes et c'est très confortable. C'est très confortable parce qu'on a quelqu'un qui parle pour vous. On a l'impression de pouvoir de parler sans être exposé directement. C'est une façon indirect de se délivrer qui probablement me convient. Vous pourriez vous délivrer d'une autre manière, par exemple un écrivain ? Oui, mais chaque fois que... Parce qu'il y a un style dans votre livre. Les films de ma vie sont des chroniques, parfois ce sont des textes, mais on reconnaît tout de suite l'écriture quand même. On sait également que vous avez un peu retrouvé et un peu retravaillé. J'aime énormément l'écriture, mais je ne peux pas faire de la fiction parce que dès que j'écris un texte de fiction, ça devient un scénario. Vous voyez, je voulais faire un recueil de nouvelles sur les enfants. Et finalement, c'est devenu un scénario que je vais tourner au mois de juillet, L'argent de poche, qui met en scène des enfants de la naissance jusqu'à l'âge de 12 ans. La cruauté de l'enfance. Pas la cruauté, pas du tout, non, l'enfance tout simplement, mais c'est-à-dire... C'est vous qui avez dit une fois la cruauté de l'enfance, et même en insistant que la cruauté se dessinait entre 5 et 12 ans. Ben, elle est complète, si vous voulez, tout se dessine entre 5 et 12 ans. Mais enfin, je crois aussi à la phrase fantastique de Bernanos, j'ai compris que l'enfance bénie. Oui, que la jeunesse est bénie, elle est un risque à courir, et ce risque même est béni, ça je le crois beaucoup. Donc, simplement, tout ce qui touche l'enfance est précieux, parce que c'est à la fois une histoire d'enfance, c'est à la fois une histoire particulière, une histoire générale. Pour vous, le cinéma, c'est l'art qui tombe dans la vérité, dans l'actualité d'aujourd'hui. Vous ne pourriez pas vous intéresser aux films d'époque. Pas du tout, au contraire, j'en fais constamment. J'ai fait Jules et Jim, Deux Anglaises et oui, le Continent. Oui, non, mais enfin, oui. Là, mais la vous fille de Victor Hugo. Oui, vous les remettez dans la vie d'aujourd'hui. Parce que si on prend Adèle, par exemple, de Victor Hugo, c'est un amour. C'est un amour à sens unique et c'est encore une autre vision des choses. Oui, c'est ça, mais enfin, nous sommes dans un film à costume, quand même. Mais non, lorsque je dis époque, moi, je veux dire, vous n'aimez pas les westerns, par exemple. Ah, des reconstitutions, des choses voilà, comme ça, non, ce côté-là... L'époque, bien sûr, je sais que vous travaillerez encore dans l'époque et dans les époques. Et même dans un film d'époque, je sais que ça ne fasse pas déguisement, enfin, qu'on ne soit pas dans une mascarade, bien sûr. Oui, vous n'avez jamais cru au courage physique des héros de western ? Je peux y croire, je ne sais pas, je ne m'y intéresse pas énormément. Je m'intéresse, les seuls westerns que j'aime sont des westerns très sentimentaux, comme Johnny Guitar, par exemple, qui est une histoire d'amour, et dont le personnage principal est John Crawford, et non pas les cow-boys. Alors, effectivement, c'est un univers, l'univers viril, disons, viril et musclé, tout ça ne me fait sourire, je n'y crois pas, non. Alors, pour qui avez-vous de l'estime au cinéma ? J'ai de l'estime, c'est pas de l'estime, j'ai de l'intérêt pour les gens qui, pas les gens qui souffrent, mais enfin les gens qui vibrent. Vous voyez, les gens qui doutent. Les gens qui se trompent. Qui se trompent, qui sont inquiets, qui cherchent. Je ne m'intéresse pas aux gens qui savent et qui manifestent leur force. Et non, pas tellement. On peut se poser une fois, une seule fois la question, lorsqu'on fait le métier que vous faites, pour qui tourne-t-on ? On dessine sans public avant ? Pourquoi tourne-t-on ? On peut penser que c'est pour prendre rendez-vous, ou du moins parce qu'on a quelque chose à dire. Mais pour qui tourne-t-on ? Ben écoutez, c'est ce qui est stimulant dans le cinéma, excitant, quand je pense à la solitude des peintres, par exemple, qui est assez abominable. Pour qui peignent-ils, vous pour comprenez pour, pour quelqu'un, je ne dis pas le mal des Américains, mais enfin, qui mettra, j'ai vu en Amérique, un Balthus dans une baignoire, au-dessus d'une baignoire, dans une salle de bain. C'est quand même triste de penser que Balthus a peint pour ces gens-là. Tandis que le cinéma est resté quand même, malgré tout, malgré les surenchères intellectuelles depuis une dizaine d'années, il est resté quand même un art populaire. Les gens se promènent sur les boulevards, ils voient un titre qui les intrigue, ils voient des photos qui complètent le titre, ça donne envie d'entrer ou non, ils entrent. Et à ce moment-là, on a une réunion de gens tout à fait disparates, certains parce qu'ils habitent le quartier, certains parce qu'ils étaient de passage à Paris pour la journée, certains. Et puis le film, après, sort de Paris, il va partout en province, il sort de France, il va à l'étranger, il est sous-titré dans certains pays, doublé dans d'autres, un jour il passe à la télévision, c'est une circulation réellement populaire. On peut penser qu'il y a un public pour François Truffaut. Moi, je ne le pense pas. Je le crois, disons, au moment où le film doit se faire, si vous voulez, certains pays peut-être s'y intéresseront d'avance, donc ça aidera le film à exister. Mais je crois qu'en fin de compte, le rendez-vous, il est quand même avec le public anonyme. C'est-à-dire que le jour où un film s'amortira sur le seul nom du metteur en scène n'est pas venu, vous voyez, sauf si c'est un metteur en scène acteur comme Charlie Chaplin ou Jerry Lewis. Mais effectivement, le nom du metteur en scène depuis une quinzaine d'années est devenu plus important qu'autrefois. Mais je ne souhaite pas qu'il devienne plus important encore, parce que le plus important, c'est quand même ce qu'on voit sur l'écran, donc les gens qui jouent. Et le rendez-vous, il est entre le public et ces gens qui sont sur l'écran. On s'aperçoit maintenant, François Truffaut, que vous êtes solidaire de tous ceux qui font le même métier que vous. Cela veut dire que vous ne pourriez plus écrire les articles que vous avez écrits, vous étiez dans les cahiers du cinéma. Absolument, oui. Oui. Donc c'est cela l'évolution aussi. Oh, je crois qu'elle est normale, cette solidarité. Elle est normale. Vous reconnaissez et les échecs et les réussites, et vous tremblez pour les échecs et vous vous réjouissez pour les réussites. Oui, oui. Alors, oui. Est-ce que ça n'est pas être un peu trop bon? Non, parce que c'est aussi une conséquence de cet égoïsme, si vous voulez. Toutes les pensées sont concentrées sur son propre travail. Donc après, on voit le travail des autres avec un plus grand détachement. Je peux encore me passionner et voir un film, vous voyez, 4 ou 5 fois, comme le dernier film d'Orson Welles, Vérité et mensonge, que j'ai déjà vu beaucoup, alors qu'il est sorti tout récemment. Mais quand même, on est concentré sur son travail. Et d'un autre côté, quand une chose ne vous plaît pas, on le devine presque d'avance et on ne va pas la voir. Donc je vois même très peu de mauvais films dans une année depuis quelque temps. Enfin, un film que vous aimez beaucoup, vous pouvez aller le voir plusieurs fois de suite pour mieux le comprendre. Oui, absolument. Je ne crois pas qu'il y ait un film de Bergman que je n'ai vu qu'une fois. Je les vois tous 2 ou 3 fois, par exemple. Alors faut-il voir ces films plusieurs fois, justement ? Je crois que le public intéressant, si vous voulez, s'il y avait une discrimination à faire dans le public, ça serait entre les gens qui veulent voir un petit peu de tout, et puis ceux qui s'intéressent au point de retourner voir les mêmes films, de relire tout le temps les mêmes livres. C'est évidemment ce public-là que j'aime particulièrement. Au commencement de votre témoignage, Les films de ma vie, vous installez ce chapitre. À quoi rêvent les critiques? On pourrait poser la question. À quoi rêve François Truffaut? Ah, moi, je rêve à rien du tout. Je rêve aux films que j'ai envie de faire, vous voyez. Parce que 14, c'est beaucoup et pas beaucoup. J'ai l'impression que j'ai peu de temps pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Voilà, mes rêves sont très concrets en réalité. C'est un hommage que vous avez voulu rendre. Cette catégorie que vous installez de metteurs en scène sont là comme à la parade. Et il y a les plus grands, il y a des hommes, il n'y a pas une seule femme. Ah si, je crois qu'il y a certainement un article sur Agnès Varda, mais il faut pas oublier que ce sont des textes qui remontent quand même à une 20aine d'années, et à l'époque, il n'y avait pas de femme metteur en scène, il y avait un grand film. Dans l'histoire du cinéma, il n'y a pas de femme. Oh, il y a Jeune fille en uniforme, qui a été réalisé par Léontine Sagan, vous voyez, une Sagan déjà, et qui est un très bon film, mais à part ça, on avait en France Jacqueline Audry, dont le travail n'était pas très stimulant, et puis maintenant, ça y est, ça commence, si vous voulez, dans chaque pays, je crois que d'ici 5 ans, bien sûr, il y aura une production féminine très importante, au point même qu'on oubliera de dire qu'elle est féminine, je l'espère. Vous vous rappelez le premier film que vous avez vu ? Oui. Comme spectateur ? Oui, je ne peux pas ne pas me le rappeler parce que c'était très étrange comme circonstance, c'était Paradis perdu. Vous voyez, l'année de la guerre avant la capitulation, je crois, c'est-à-dire que c'est un film qui concernait la guerre de 14-18, qui nous montrait un soldat dans les tranchées, Fernand Gravet, Micheline Prel qui chantait, et puis on avait dans la salle des permissionnaires, et accompagnés de leur fiancée ou de leur girlfriend, et alors c'était des torrents de larmes dans la salle, parce que c'était un film d'Abel Gance, donc un grand mélodrame, magnifiquement fait, et c'était très émouvant, et il y avait, je crois déjà, à cette époque-là, quand on allait au cinéma, la menace d'avoir le spectacle interrompu par une alerte, ce qui était très angoissant. Alors, dans votre livre, il y a la parade de tous les grands metteurs en scène et il est amusant de les retrouver. Je vous disais tout à l'heure, dans les 2 minutes avant de commencer cette émission, que je m'y étais intéressé comme on s'intéresse à un roman, parce que je retrouve des personnes que l'on aime. De Jean Renoir, vous dites par exemple, et vous ajoutez, c'est un sentiment personnel, Jean Renoir est le plus grand cinéaste du monde, avant tous les autres. Oui, je le crois sincèrement, mais en même temps, comme je n'ai pas un désir de convaincre éperdu, je dis c'est un sentiment personnel, c'est ce qui veut dire que vous êtes libre de me suivre ou non. Veut dire que vous en êtes tout à fait sûr, mais vous ne voulez pas convaincre. Vous dites c'est mon sentiment. Je voulais tellement convaincre quand j'étais critique qu'aujourd'hui j'ai perdu un peu cette chose de conviction parce que voilà, c'est comme ça et puis je trouve que tout le monde est, chacun est libre et il ne faut pas trop peser sur les gens. Mais je le crois et en tout cas je ne suis pas seul à le croire. Je veux dire que Orson Welles le dit aussi et beaucoup de gens à travers le monde. Parce que probablement, c'est l'homme qui, tout en racontant vraiment des fictions très différentes, de film en film, est resté le plus près du cœur humain, des sentiments, de la vérité. Parce que les films qui s'entassent les uns les autres, à raison de 3 à 4 000 films par an depuis 50 ans, créent une seconde réalité, vous voyez, qui est une réalité fausse, à laquelle les gens arrivent à se référer. Vous voyez, quelqu'un arriverait à dire « mais c'est pas comme ça qu'on tue quelqu'un », mais il se référerait à tous les meurtres qu'il a vus dans les films. Et Jean Renoir est quelqu'un qui nous nettoie, je ne sais pas comment vous dire, mais quand il y a, même s'il y a un crime dans un film de Jean Renoir, ben ça ressemble vraiment à la vie. C'est plein de gestes hésitants et plein d'humanité. Et tout d'un coup, ça n'est plus un meurtre de cinéma, c'est un meurtre vraiment de faits divers. Mais Jean Renoir lui-même est-il conscient de la place qu'il tient dans l'histoire du cinéma ? Vous en parlez parfois avec lui ? On ne peut jamais être conscient de la place Jean Renoir. Il a un dieu qui est Charlie Chaplin, et auquel il doit énormément. Mais il lit votre livre, et il s'interroge quand même sur votre phrase « Jean Renoir est le plus grand cinéaste du monde ». Oui, je pense que beaucoup de personnes lui ont dit dans sa vie et qu'il a simplement à ce moment-là un petit sentiment de tristesse en pensant à tous les gens qui détiennent les leviers de financement et qui n'ont pas partagé notre enthousiasme et qui ne l'ont pas laissé tourner certains films qui lui tenaient tellement à cœur. Comme un film où Jeanne Moreau aurait fait une clocharde, par exemple, qui a été un projet qu'il a baladé longtemps, auquel il tenait énormément, qu'il n'a pas pu faire. Ces grands cinéastes, ce sont quand même des hommes qui n'arrivent pas à faire ce qu'ils souhaitent. Pas toujours. Ça dépend des périodes plus ou moins difficiles. Mais il est certain que des hommes comme Orson Welles, comme Renoir, traversent beaucoup de difficultés à travers leur carrière. Et Karl Dreyer, par exemple, qui est resté peut-être 10 ans entre Jeanne d'Arc et Jour de colère, vous voyez. Vous dites que Jean Renoir se met à la place de ses personnages, mais je pensais que tous les metteurs en scène se mettaient à la place de leurs personnages. Ils sont même parfois, comme nous le disions tout à l'heure, dans le côté identification, ils sont les personnages. Oui, tous. Seulement, certains ne savent pas se voir eux-mêmes, certains se mentent à eux-mêmes, certains se voient comme des machos, comme on dit en Amérique du Sud, et à ce moment-là, c'est le mensonge humain qui commence, je ne sais pas. Je crois que Renoir a le sens de la fragilité des gens. On aime le cinéma, à votre avis, en ce moment dans le monde ? Oui. On l'aime autant qu'autrefois ou plus qu'autrefois ? On l'aime beaucoup. Ce n'est pas de la même façon qu'autrefois. Autrefois, d'entrer dans une salle de cinéma, c'était complètement magique. Complètement magique parce qu'il n'y avait pas d'autre occasion de voir des images en mouvement. Pour voir des images en mouvement, il fallait vraiment entrer dans une salle de cinéma. Et alors, il y avait les gens qui allaient toutes les semaines dans le même cinéma. Et l'ouvreuse les connaissait. Elle les mettait à la même place. Et il lui disait, c'est bien cette semaine. Et elle disait, oui, c'est très bien. Vous voyez, c'était tout à fait différent. À partir du moment où vous avez eu la télévision, même des scopitones dans les bistrots, même des bandes dessinées dans les journaux, et ben, l'image a cessé d'être magique. Donc, pour faire un film magique aujourd'hui, il faut se lever très tôt, il faut être Federico Fellini, il faut du génie parce que c'est très dur de vraiment prendre les gens, de les empoigner ou de les... ce qui nous amène quelquefois à une surenchère qui peut être gênante aussi. Alors, à cause de ça, ça n'est plus de la même façon qu'on va au cinéma. Mais je crois quand même qu'il y a toujours le noir dans la salle, il y a toujours cette disponibilité merveilleuse des gens parce que je ne sais pas si vous avez remarqué leur patience fantastique, ils acceptent que tous les films ne racontent rien pendant la première demi-heure. Après, ils peuvent se fâcher, mais pendant la première demi-heure, ils sont d'une patience angélique. Et ils ne sifflent jamais. Ils ne sifflent jamais. Et puis, alors, à ce moment-là, je crois qu'il faut quand même embrayer sur une histoire et les intéresser jusqu'au bout. Et je crois que ce qui est beau, c'est que malgré toutes les théories qu'on peut faire, c'est un peu comme le roman, le nouveau roman, l'ancien roman, eh bien, si on raconte une histoire aux gens, ils sont très contents. Si elle est bien racontée, qu'elle les intéresse. Et surtout, s'ils pensent que les personnages sont vivants. À votre avis, François Truffaut, la télévision en ce moment fait du mal au cinéma ? Elle fait du mal dans et du bien. Elle fait du mal et du bien. Pour un cinéaste, il suffit de regarder la télévision pour apprendre tout ce qu'il ne faut pas faire. Ça, je crois, vous voyez, dans beaucoup de domaines. D'un autre côté, quelquefois, elle ouvre une curiosité. Elle ouvre une curiosité qui trouve son, comment dirais-je, qui trouve son complément au cinéma. Je crois que, je vous demande pardon de me citer, mais j'ai fait un film, L'Enfant Sauvage, par exemple, qui, tout le monde disait, c'est un film très difficile, vous devriez le faire pour la télévision. J'ai dit oui, mais je vais essayer quand même de le faire pour le cinéma, en noir et blanc, c'est une petite histoire. Eh bien, qui finalement a été bien accueilli. Et je crois qu'elle a été bien reçue au cinéma, grâce à la curiosité que la télévision a éveillée sur la question, par exemple, des enfants autistiques, des enfants mutiques et tout ça. Et je crois que ça, c'est un peu une reconnaissance qu'on peut avoir à la télévision, qui est mauvaise quand elle prétend être poétique ou dramatique ou romanesque, mais qui est quand même très culturelle, disons plus culturelle en France qu'à l'étranger. Qui est bonne lorsqu'elle montre ce qu'est la vie. Et vous parliez à l'instant de la série de Bruno Bettelheim. Oui, oui. Vous pourriez, vous, François Truffaut, faire un film pour la télévision ? Parce que les metteurs en scène se refusent aussi dans ce cas-là, souvent. Oui, parce que pour l'instant, je suis évidemment, ça dépend aussi de la, c'est une question de génération. Je crois que les jeunes metteurs en scène qui arrivent maintenant peuvent réfléchir. Ils ont été formés avec la télévision. Moi, j'ai été formé avec le cinéma, donc c'est pas du tout le même problème. Ayant été formé avec le cinéma, j'ai une solidarité avec le monde du cinéma contre la télévision, franchement. Mais quelqu'un qui arrive maintenant, qui a été formé par la télévision, il peut très bien avoir des idées pour le cinéma et d'autres idées pour la télévision. Mais moi, j'appartiens à la génération, si vous voulez, qui n'ira à la télévision que par résignation, que parce qu'on nous refusera des projets au cinéma, je dirais, bon, bah, je vais le faire. Mais ce sont tout de même deux mondes. Rares sont ceux qui, passant de la télévision au cinéma, ont réussi. Rares sont ceux qui, venant du cinéma, ont fait de grandes choses à la télévision. Ce sont peut-être deux arts, mais complètement différents. Je ne le crois pas vraiment. Moi, je crois que si Marcel Pagnol avait eu 10 ans de moins, il serait passé avec une très grande aisance, vous voyez, de ses films de cinéma, comme La fille du Puisatier, choses comme ça, à la télévision, il aurait fait. C'était un homme qui avait un contact avec le média, comme on dirait en Amérique, il avait un contact qui était vraiment le même pour le cinéma ou la télévision. Enfin, je crois qu'il aurait passionné, les gens avec le même matériel, avec ses Marseillais, avec ses filles mères, avec toutes ces histoires, ça aurait été formidable. Je crois qu'il aurait été un homme de télévision extraordinaire. Il vous arrive de bien cerner le cinéma dans ce qu'il a de meilleur pour chacun des cinéastes dont vous parlez, par exemple pour Jean Renoir. Si on vous demandait de situer son meilleur film, vous répondriez à La Grande Illusion, vous répondriez... La Règle du Jeu. La Règle du Jeu. Oui. Mais, et à ce moment-là, vous, tel que je vous connais, François Truffaut, vous analysez votre choix. Vous savez pourquoi vous dites La Règle du Jeu. Oui, c'est La Règle du Jeu, parce que La Règle du Jeu, même aujourd'hui, n'a pas été égalée. C'est-à-dire, c'est le film qui a le mieux montré la complexité des relations sentimentales entre les hommes et les femmes. Les caprices, les revirements, la part de vanité, la part d'emballement, la part de profondeur, tout ce qui fait que ces relations sont terriblement compliquées et quelquefois comiques à voir de l'extérieur quand on n'éprouve pas soi-même ses sentiments forts. Tout ça, aucun film ne l'a mieux montré que La Règle du Jeu. Et vous n'avez pas parlé du Carrosse d'or, mais vous en parlez dans votre livre. Oui, c'est un film que j'adore aussi. Parce que dans le Carrosse d'or, c'est vrai, il y a tous les thèmes. Oui, il y a tous les thèmes, et cette fois-ci, c'est un film qui est complètement parfait, qui est complètement rond, qui est une espèce d'objet. Renoir a rarement fait des films parfaits, d'ailleurs. Il a fait des films qui étaient mieux que parfaits, mais celui-là est parfait. Il est complètement classique, il est comme un très bel objet qu'on veut avoir chez soi. C'est une merveille. Et puis, il y a des thèmes qui vous plaisent, comme la sincérité en amour, la vocation artistique, des thèmes que vous recherchez, d'ailleurs, que vous essayez de... C'est ça aussi. Je crois que les thèmes de Renoir me touchent beaucoup, oui, parce qu'ils sont. Parce qu'on peut même faire un parallèle avec votre dernier film, enfin, celui que nous verrons bientôt, avec Adèle H. Oui. C'est-à-dire la fille cadette de Victor Hugo. D'ailleurs, pourquoi avoir eu envie de faire un film sur elle? On aurait pu penser que vous pourriez faire un film sur Victor Hugo. Oui, ou même sur Léopoldine. Mais on le voit pas dans votre film. Oui, c'est ça. Ça m'a amusé l'idée de faire un film où on parlerait de Victor Hugo sans le montrer, et de faire un film aussi sur la fille qu'on ne connaît pas, puisque tout le monde connaît Léopoldine, oui. Personne ne connaît Adèle. Mais ça m'a touché, justement, le sort de cette fille qui a probablement souffert énormément dans sa vie, y compris de l'espèce de concurrence, au fond, de cette sœur morte et vénérée. Parce que vous savez que quand Léopoldine est morte, sa robe de noyer a été exposée dans l'appartement de Victor Hugo. Je crois que à cette époque-là, disons, il n'y avait pas d'éducation psychanalytique, il n'y avait pas, je crois que les parents ne se sont pas rendus compte qu'ils lui faisaient beaucoup de mal, je veux dire, en déifiant complètement, en faisant ce culte à Léopoldine. Donc, le sort d'Adèle, qui a préféré rompre avec sa famille, poursuivre un lieutenant avec lequel elle avait probablement une aventure, mais qui en tout cas ne voulait plus entendre parler d'elle, cette histoire m'a touché, et j'y ai vu l'occasion de faire, comment dirais-je, de montrer aussi un cas limite, parce que j'ai fait des films d'amour à deux personnages, j'en ai fait à trois personnages, comme je l'ai dit, mais là, ça me plaisait l'idée de montrer un film d'amour avec un seul personnage sur l'écran. Amour à sens unique. C'est un amour solitaire, un amour à sens unique. C'est l'amour le plus difficile. C'est une idée fixe, oui. Mais ça n'est pas l'amour qui vous touche ? Je ne sais pas, probablement ça m'a touché, sinon je n'aurais pas fait ce film. Vous avez été touché par une idée comme celle-là, d'un amour que l'on donne et on n'en reçoit jamais une récompense. Oui, c'est ça, oui, ça m'a plu, parce que c'est le comble de quelque chose, évidemment. On aime faire des films, on est stimulé lorsqu'on trouve un sujet qui est le comble de quelque chose et qui est quand même avec des bonnes racines humaines. Il y a d'autres metteurs en scène qui gambadent dans ce livre. Il y a Abel Gance, et Abel Gance, alors là j'ai aimé vos phrases, parce que vous dites on a traité Gance de raté, et récemment même, ajoutez-vous, de raté génial. Or, vous regardez ce que ça veut dire raté, et vous dites c'est entamé et gratté par les rats. C'est vraiment, on dit n'importe quoi souvent, alors lorsqu'on emploie le mot raté. Oui, c'est vrai, oui. Et peut-on être raté et génial à la fois ? Probablement, mais je ne sais pas, parce que raté, c'est un mot qui est donné par la société, vous voyez. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a Keane, le comédien anglais, quand on disait « Désordre et génie », auquel Alexandre Dumas a consacré un roman, une pièce du moins, et Sartre aussi. Mais on peut être désordre et génie, je ne sais pas si on peut être génie raté. Probablement que oui, mais même l'étiquette de génie n'est pas bonne, parce qu'elle est donnée par vos contemporains, elle est donnée souvent sur des signes extérieurs qui n'ont pas de rapport avec le travail. Elle est donnée sur une façon de vivre. Et raté aussi. Raté, c'est donné par rapport à l'importance qu'on accorde aux choses sociales. Le ratage, c'est le talent. Le ratage, raté, c'est réussir. Puisque lorsqu'on dit il a raté quelque chose, cela veut dire qu'il a laissé beaucoup d'autres choses à côté pour s'enfoncer dans le sujet qu'il avait choisi. Oui, tout est vrai dans ce domaine-là. Oui. Je crois que dans Jeanne au bûcher de Claudel aussi, il y a « j'ai perdu, je veux dire que j'ai gagné ». Oui. On sacrifie tout à quelque chose, donc forcément, on rate. On rate parce que la vie est, comme disait Scott Fitzgerald, un processus de d'ébullition. Et qu'évidemment, comme on va vers une espèce de décrépitude, on va vers des choses tristes, on va vers des choses qui descendent, on va pas vers des choses qui montent. Donc il y a forcément, je ne crois pas que quelqu'un de conscient peut terminer sa vie en ayant l'impression d'avoir réussi. Je crois que ça n'existe pas. Ou alors c'est vraiment quelqu'un qui se raconte des histoires. Qui est arrivé. Bah oui, mais arrivé où ? Non, je ne sais pas. Dans quel état ? C'est ça, oui, dans quel état. Oui, mais là, nous parlons de deux monstres du cinéma, Jean Renoir et Abel Gance. Jean Renoir a toutes les raisons de croire qu'il est heureux. Abel Gance dit que ça ne va pas du tout. Et lorsque vous dites un génial raté, c'est dans le mode... Plutôt, c'est pas vous qui le dites, ce sont les autres qui le disent. Mais en regrettant que l'on dise cela, car c'est un grand personnage pour vous. Oui, c'est ça. Mais enfin, les connaissant tous les deux, je sais que ce sont des hommes qui sont ulcérés de n'avoir pu impressionner qu'une partie de la pellicule qu'ils voulaient impressionner. Voilà, c'est encore... D'être à mi-chemin. Oui, ils ont forcément l'impression. C'est un métier tellement difficile. On ne peut pas avoir l'impression d'avoir accompli ce qu'on voulait. C'est impossible. C'est seulement une partie. Le plus grand film d'Abel Gance. Je ne sais pas, parce qu'il y a les films muets, les films parlants. Son œuvre muette est presque aussi importante que l'autre. Alors, dans les films muets, il y a évidemment le Napoléon, qu'il a un petit peu abîmé après, à force de le remanier, d'ailleurs. Et puis, dans les films parlants, il y a beaucoup de très beaux films. Un film sur Beethoven que je trouve admirable, moi. Un grand amour de Beethoven, qui est un très beau film, mais que lui n'aime pas, probablement. Vous pourriez faire, vous, François Truffaut, un film sur un musicien ou sur un peintre, comme Clouseau sur Picasso J'aimerais beaucoup faire un film ou sur un homme qui écrit un livre, par exemple, depuis l'écriture du livre jusqu'au moment... Depuis le commencement. Oui, il corrige les épreuves, et le livre va à l'imprimerie, le livre sort, ça me plairait beaucoup. Mais j'aimerais aussi faire l'histoire d'un musicien, mais je crois pas que je le ferais avec un acteur, je le ferais avec un musicien à ce moment-là. Mais ça me plairait beaucoup parce qu'il y a quelque chose qui marche bien ensemble entre le cinéma et la musique. Le fait que le film est c'est un ruban de pellicule de 2000 mètres, voyez, qui se déroule, et un concert aussi. Donc c'est plus normal, je trouve, de comparer le déroulement d'un film à celui d'un concert, d'un morceau de musique, que de comparer du cinéma à de la peinture, par exemple. C'est absurde de comparer une chose qui bouge comme le cinéma à une chose qui est fixe comme la peinture. Mais par contre, cinéma-musique, ça marche très bien ensemble. On peut s'étonner d'ailleurs que vous ne vous soyez pas encore intéressé à la musique, parce que la musique, c'est quelque chose de très intériorisé et qui vous accompagne dans toute la vie, dans toute votre œuvre. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? Parce que c'est un peu plus difficile ou parce que vous n'avez pas trouvé le sujet ? Je n'ai pas encore trouvé, si vous voulez, comment dirais-je, le background. Vous voyez, c'était plus facile pour moi d'imaginer la nuit américaine, parce qu'au bout de 13 tournages de films, je pouvais dire... C'était votre travail. Qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, votre univers. Oui. Et si je pouvais faire l'équivalent de la nuit américaine sur le monde des concerts et des, ou bien une petite équipe de musique en tournée ou bien je ne sais quoi, je serais très content de le faire, mais c'est très difficile. Il y a un autre grand du cinéma, c'est Charlie Chaplin. Alors lui, il est célèbre, et si on avait continué à le laisser tel qu'il était parti, il serait devenu vite anonyme pour les générations qui arrivent, car tous ses films, il les gardait pour lui. Ils sont débloqués depuis 4 ans, depuis 5 ans, ces films. Oui, c'est ça. Il était propriétaire de ces films, et alors il en était devenu un peu avare. Je veux dire qu'il ne voulait plus les montrer, il ne voulait plus les mettre en circulation. Mais heureusement, quelqu'un, je pense, lui a fait changer d'avis il y a 4-5 ans. Qui est-il exactement, Charlot? Vous posez la question, d'ailleurs. Oui, je crois qu'il est, l'homme le plus célèbre du monde, et il est un très grand paradoxe du XXe siècle, parce que il est... Pourquoi un paradoxe? Parce qu'avant d'être l'homme le plus célèbre du monde, il a vraiment été un miséreux, et que ce qu'il a filmé dans ses premiers films, la recherche du sandwich et tout ça, il l'a vraiment vécu, je crois. Donc il est, c'est un cas assez extraordinaire, dont on peut moins se rendre compte aujourd'hui, parce que c'est pareil, même la télévision a déplacé l'idée de célébrité. Et aujourd'hui, si quelqu'un devient très fameux, eh bien, forcément, on est amené très vite à le voir à la télévision. Tandis qu'à l'époque où Chaplin est devenu fameux, il est devenu fameux par les films, donc les journaux parlaient de lui. Mais pour vous donner un exemple, lorsqu'il est parti pour la première fois de Los Angeles, enfin, il était donc de Londres, et il était venu à Los Angeles faire des films, la première fois qu'il est retourné de Los Angeles à New York, il a envoyé un télégramme à son frère pour dire qu'il venait à New York traiter des affaires. Et le télégramme a été lu en route par je sais pas quoi, il y a eu des fuites, si bien que tout le long du trajet, dans les stations, il y avait des gens rassemblés debout devant chaque station, même où le train ne s'arrêtait pas, qui étaient là pour voir passer le train dans lequel se trouvait Chaplin. Et lui était là en robe de chambre, en train de se raser, et il voyait tous ces gens debout dans les stations de train, et il pensait que c'était un jour de fête nationale. Il s'est dit, tiens, il doit y avoir une fête américaine aujourd'hui. C'est des choses qu'on a du mal à se représenter aujourd'hui. De même que j'ai une photo de lui à l'hôtel Crillon, où le photographe est derrière et dans son dos, et on voit la place de la Concorde noire de monde. Je crois que les gens ne peuvent pas croire ça. Vous voyez, ils peuvent le croire si on leur dit à propos à Péronne, parce que c'est récent, mais ça c'est 1924, je pense, le voyage de Chaplin en France, c'est quelque chose d'inouï qu'on ne peut pas se représenter aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui les gens restent très simplement devant leur télévision à attendre de voir le type sur l'écran. Le grief, c'est que la télévision a tué le mystère du cinéma. On a tellement montré les gens qu'on n'a plus envie de les voir. On ne peut plus s'interroger, même la radio encore, on pouvait imaginer une voix. La télévision, dès que l'on voit un visage, il est déshabillé. Il n'y a plus de mystère. Oui, c'est un problème. Ça vous paraît terrible? C'est pas terrible parce que ça a modifié, c'est-à-dire il ne faut pas faire les films dans la même optique, il ne faut pas faire les films dans l'optique de montrer des divas, des vampes, c'est simplement un discours aujourd'hui beaucoup plus intime, beaucoup plus confidentiel, qui est vraiment à l'oreille, qui est plus discret justement, et c'est pas très grave que le public s'intéresse moins à la vie des monstres de l'écran que celle des speakerines de la télévision, c'est les temps modernes qui veulent ça, donc c'est pas très grave pour le cinéma lui-même, mais ça a changé la façon de regarder les choses évidemment. Les temps modernes, Charlot avait compris déjà. Oui. Il y a une mythologie, parce que la danse des petits pains, vous l'expliquez comment, vous? Je ne l'explique pas, la danse des petits pains, je suppose que c'est une chose qu'il faisait pour distraire ses invités. Oui, mais il n'y avait pas une autre idée dans l'air, lorsqu'il faisait des choses comme celle-là. Je pense que c'est sa mère, parce que sa mère avait un humour énorme, sa mère imitait tous les gens qui passaient dans la rue. Vous savez que sa mère est devenue folle, et lorsqu'elle était emmenée à l'asile, il était donc un enfant qui allait être ramassé par la police, lui et son petit frère, donc ils vivaient dans l'angoisse que la mère retombe dans une crise de folie. Mais en même temps, cette mère devait être formidablement poétique, parce que je crois que justement des choses comme les petits pains viennent d'elle, certainement. Il y a un autre metteur en scène et qui est à l'affiche aujourd'hui, c'est Stanley Kubrick. Avec un film Les Sentiers de la Gloire qui vient un peu tard, mais qui vient bien d'ailleurs. Oui, qui vient 18 bien. 18 ans après, quelque chose comme c'est ça. C'est ça, 18 ans après, oui. Et là, dans le... Oui, mais c'est une chronique que vous lui aviez déjà consacrée. C'est ça. Et alors, je faisais semblant, je crois, dans cet article, de l'avoir vu en Belgique, mais en réalité, je l'avais vu rue de Grenelle au ministère de la Guerre, parce qu'un copain m'avait fait rentrer une projection pour les officiers français, et la projection était très troublée parce qu'il disait constamment, il faudrait fusiller le type qui a fait ce film-là, c'est une honte, c'est-à-dire que vu à cette époque-là, on pouvait penser que le film ne sortirait jamais en France. Les blessures étaient trop fraîches. Oui. Aujourd'hui, au nom de la censure, sur quoi ne pourrait-on pas tourner un film? Ou au nom de l'étiquette, de l'éthique? Par rapport au Sentier de la Gloire. Le Sentier de la Gloire racontait 14-18 et on disait des choses qu'on ne pouvait pas savoir. Oui, mais presque tout est permis maintenant. Moi, tout est permis, il n'y a plus de censure maintenant. Pratiquement plus. Vous pourriez tout faire. Simplement, si vous ne le faisiez pas, c'est que vous feriez de l'autocensure, vous les metteurs en scène. Ah oui, mais c'est normal de faire de l'autocensure. Moi, si on m'apporte une histoire avec une petite fille de 9 ans qui se fait violer, ben, je renvoie le scénario fâché. Je veux dire que ça, je ne veux pas toucher à des choses comme ça. Donc c'est, forcément, il y a une espèce d'autocensure. Il y a surtout la puissance de l'image qui vous oblige à une certaine responsabilité. On n'a pas envie d'être un cinéaste abusif. On n'a jamais envie d'abuser. Enfin, il y a des choses qu'il ne faut pas montrer au cinéma. Oui, il faudrait avoir vraiment la nécessité de les montrer, et même à ce moment-là, il y aurait probablement une façon indirecte de le faire, si c'est vraiment nécessaire au propos. Montrer à tout prix, c'est se forcer, c'est entrer dans une mode. Ça n'est pas répondre à un appel. Je ne sais pas, je crois qu'on ne doit pas se forcer quand on filme les choses. On doit filmer des choses qu'on ressent, des choses que... Moi, je n'ai jamais pu filmer quelqu'un qui donne des coups de pied dans le ventre à un autre parce que je me dirais, bah, d'abord, est-ce que j'accepterais de les recevoir? Est-ce que j'accepterais d'en donner? Non, alors pourquoi est-ce que je vais filmer ça? Dans toute cette liste de metteurs en scène, vous arrivez à faire un choix? L'homme qui vous plaît le plus Non, enfin, je suis très... Si vous avez dit, Jean Renoir, c'est le plus grand. On peut penser que c'est celui-là qui vient en numéro 1. C'est ça, mais je trouve que la carrière d'Ingmar Bergman est superbe parce qu'elle est vraiment très abondante. Il a l'air de faire des films avec une liberté incroyable. Il est très actif. Vous voyez, ces derniers films-là sont des films qui sont faits pour la télévision de 4 ou 5 heures, comme Scène de la vie conjugale. En même temps, il fait des mises en scène de théâtre. Donc je pense qu'il fait peut-être la plus belle carrière de cinéma actuellement. Et il a ce mérite aussi d'être isolé au nord de l'Europe, en Suède. Et c'est tout à fait étonnant, c'est tout à fait étonnant. Dans un pays où il n'est pas même tellement compris et tellement apprécié. Donc ça, je pense, c'est une très belle carrière. Que de grands noms tout de même, parce qu'il y a encore Federico Fellini, il y a Orson Welles, il y a Rossellini. Est-il vrai que Rossellini avait lu le premier scénario des 400 coups et du Beau-Serge? Oui, Rossellini s'intéressait beaucoup à une espèce de rajeunissement du cinéma. Et lui-même se détachait de la fiction, avait envie de faire ses grands documentaires, qu'il a fait d'ailleurs aux Indes et ailleurs. Et il s'intéressait beaucoup à nous, parce que c'était un homme qui est très, pas paternaliste, mais paternel réellement. Qu'est-ce qu'il vous avait dit lorsqu'il avait lu Les 400 coups, le scénario, bien avant que le film ne soit tourné? Il était très content parce que c'était fait un petit peu, dans son esprit. C'était comme j'étais comme un élève pour lui et je pense qu'il était content, oui. Mais vous, François Truffaut, en ce moment, vous accepteriez de lire des scénarios de jeunes qui seront demain les Truffaut, les Chabrol, les... On en lit, j'en lis d'un bout de l'année à l'autre, sauf quand je tourne, mais j'en lis beaucoup, bien sûr. Puis il y a un homme que l'on oublie peut-être un peu en ce moment, vous allez me dire si c'est mérité ou si c'est immérité. Quoi que non, maintenant vous avez quitté votre rôle de critique, tout le monde est bon, généreux et gentil maintenant pour vous, François Truffaut. Non, c'est Jacques Tati. Ah oui, Jacques Tati, c'est un cas incroyable, oui. Non, c'est un homme qu'on... C'est pas qu'on l'oublie, je ne pense pas, c'est que le cinéma est devenu très dur pour des gens comme lui, pour des perfectionnistes. Je me souviens que peu de temps après la sortie de Mon Oncle, il préparait ce film Playtime, qui est sorti finalement 10 ans après. Et moi, je suis allé à la première de Playtime en me disant, c'est un événement fantastique, ce type qui a mis 10 ans à faire ce film. Et c'est une grande cabine là-bas à l'Empire. Vous savez, à la fin du film, je me suis retourné, je l'ai vu en bras de chemise dans la cabine, la haute projection. C'était vraiment bouleversant. Et en même temps, c'était très triste parce que le film était trop long. Il y avait eu un entracte au milieu, ce qui était très mauvais pour un film comique. Puis après, le film a été réduit de 20 minutes dans les 15 jours suivants, puis encore de 20 minutes. Je l'ai vu d'ailleurs à chaque étape, et chaque fois, je voyais une copie différente parce qu'il continuait à y travailler, même pour les sorties en province et tout ça. C'était un très beau film. Simplement, effectivement, c'est le cas, si vous voulez, de quelqu'un qui a eu un moment, un rendez-vous avec le public, et qui ne l'a plus parce que, entre-temps, surtout dans le cinéma comique, les modes comptent beaucoup. Les gens se sont intéressés à autre chose, à De Funès, à Pierre Richard, à je ne sais quoi, quelquefois des choses moins abouties que les siennes. Mais voilà, donc ces problèmes sont des problèmes avec l'industrie et aussi avec le public, qui n'est pas fidèle. C'est-à-dire, si on croit qu'on a un public et que ce public vous sera fidèle toute la vie, peut-être c'est vrai pour un écrivain, je ne suis même pas sûr. Pour un cinéaste, c'est absolument illusoire. Et puis, François Truffaut, il y a la Nouvelle Vague. Alors, que reste-t-il des copains de la Nouvelle Vague? Ça a été un moment dans l'histoire du cinéma. Ça a été un et moment... Et c'est rétro, maintenant, peut-être. Oui, sûrement. Non, mais ce qui est intéressant, c'est demain. C'est demain? Oui, il y a une Nouvelle Vague. Maintenant, comment on appelle ça? Le jeune cinéma, le nouveau cinéma. Je veux dire qu'on change d'étiquette. On reprendra les 4-5 mêmes 5 mots dans une trentaine, quarantaine d'années. Mais... Oui. Vous les retrouvez de temps en temps? Vous les voyez? Je vois beaucoup Éric Rohmer, parce que nous sommes voisins, et Jacques Rivette sont les deux que je vois le plus souvent. Vous avez consacré donc ces pages au metteur en scène, et puis vous les avez classées. Il y a les Français. Alors sur les Français, vous allez quand même assez vite. Il y a Claude Autant-Lara, il y a Jacques Becker, il y a René Clément, il y a Clouseau, il y a Jean Cocteau. Et là aussi, c'est facile de faire un choix. Ce serait Jacques Becker, sans doute, pour vous. Casque d'or. Je ne veux pas faire de choix, vous savez, j'aimais beaucoup. Je vous entraîne un peu en ferme. Cocteau, Guitry aussi. Guitry, par exemple, qui était très méprisé comme cinéaste à l'époque où j'écrivais. Puis je n'ai pas écrit sur tout le monde. Je n'ai malheureusement pas écrit sur Marcel Pagnol, que j'adorais aussi. Mais... Non, de toute manière, il faut dire que ce sont des chroniques. Que ce sont des papiers qui ont été repris. Mais vous seriez tenté maintenant d'écrire un livre sur le cinéma, mais le cinéma d'aujourd'hui aussi, avec les gens d'aujourd'hui. Non, parce que vous seriez obligé à ce moment-là de vous engager. Oui, mais ils y sont aussi. Vous voyez, il y a des articles sur Claude Sauté ou sur Les Doigts dans la tête, sur des films récents aussi, parce qu'on est amené finalement. Je me suis aperçu aussi qu'on comprend mieux un film quand on écrit dessus. Si bien que quand j'aime beaucoup un film que j'ai vu en projection privée et qu'on me demande après d'écrire, je le fais volontiers parce que, disons, pour ne pas perdre l'entraînement, vous voyez, parce que je crois quand même beaucoup à ça. Je ne veux pas rompre avec l'écriture. J'aime beaucoup ça. Il n'y aura plutôt pas de film de Truffaut à Cannes cette année. Non. Non, parce que le film L'Histoire d'Adèle H ne sera prêt que pour la rentrée de septembre. Vous y pensiez? Vous avez pensé à un moment où vous pourriez le présenter? Oh non. Pour présenter un film au Festival de Cannes, il faut, je ne sais pas, commencer un tournage au mois d'octobre et tout ça, quand on commence en janvier, à moins d'aller très vite, mais enfin, ce qui n'est pas le cas, ce film ne pouvait pas se monter rapidement, c'était pas possible. Il fut un temps où vous battiez, mais vraiment avec des bâtons, le Festival de Cannes. Ce temps est fini. Oui, mais parce que le festival lui-même a changé, c'est-à-dire qu'à l'époque, on y voyait très peu de bons films, on y voyait beaucoup de je sais pas quoi, de starlettes et de photographes. Et ça a beaucoup changé, puisqu'aujourd'hui, le Festival de Cannes accueille les films les plus difficiles et les meilleurs du monde entier. Le Festival de Cannes est devenu lui-même culturel. Et il se donne plus de mal pour obtenir la participation d'Ingmar Bergman que pour faire venir des starlettes dévêtues, vous voyez. Les temps ont changé. Hein. Tout ça a changé. Bon, dans votre film Adèle H, Adèle Hugo, la fille de Victor Hugo, Adèle, c'est Isabelle Adjani. Et c'est la découverte tout de même d'une grande comédienne. La découverte, on l'a déjà vue, je crois. Non, mais la découverte depuis 3 ans. Oui, absolument. Mais alors, c'est une... Je suppose que vous voulez que je vous parle d'elle, mais c'est une actrice qui n'a pas 20 ans encore. Et 18 ans et demi. Oui, et je crois qu'on va parler d'elle pendant 50 ans. Alors, il faut économiser les hyperboles. Mais enfin, c'est vraiment une On lui dit parfois, trop souvent, qu'elle est une grande comédienne, peut-être. Elle est une actrice. Elle est une grande actrice. Il y a une différence entre comédien et acteur? Oh oui, parce que les comédiens, ils jouent un jour le boulanger, la semaine suivante, ils font une télévision, après, ils vont faire une synchro, tandis que les acteurs sont les gens qui ne séparent pas la vie et le travail. Pour qui le travail a quelque chose le travail d'acteur a quelque chose de religieux, et je pense qu'elle est dans cette catégorie-là. Lorsque vous avez terminé une œuvre, François Truffaut, vous pensez à la seconde ou vous vous donnez du temps pour réfléchir, pour attendre? Non, je pense à la suivante. Il m'arrive même de... Ça peut paraître un peu choquant, mais j'y pense même en tournant un film, il m'arrive de prendre des notes pour un autre film. Il y a cette phrase de Bernanos que vous rappeliez tout à l'heure, que j'avais notée. D'ailleurs, c'est « La jeunesse est bénie, elle est un risque à courir. » L'enfant est un risque à courir aussi. Vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 filles, oui. C'est pour eux que vous faites ce film? Pour elles, plutôt? Je crois que je ne sais pas de quel film vous parlez, mais je pense que... Le film à venir. Oh, je crois que Adèle les intéressera davantage, parce que elles peuvent s'identifier davantage à Isabelle Adjani, à une jeune fille de 19 ans. Elles ont quel âge? Qu'aux enfants très petits que je vais montrer après dans l'argent de poche, qui seront des enfants de la naissance jusqu'à l'âge de 12 ans. Mes filles ont maintenant 14 et 16 ans. 14 et 16 ans? 14 et 16 ans. On a l'impression que vous allez toujours au cahier du cinéma. Il est vrai que vous m'avez dit, François Truffaut, que vous aviez 43 ans. Oui, exactement. Alors je vous laisse avec les films de ma vie, si vous aimez le cinéma. Et pas seulement si vous aimez le cinéma, si vous voulez découvrir des grands bonshommes du monde moderne, lisez Les films de ma vie, c'est un livre de François Truffaut, un recueil de chroniques qui paraît chez Flammarion.